Amis auditrices, amis auditrans, amis auditeurs, bonjour. Les 100 meilleurs slogans de résistance. Écoutez, les bons slogans sont le meilleur moyen de montrer la cupidité et l'incompétence des oligarchies qui détiennent le pouvoir. En plus, c'est non violent, c'est écologique et rire c'est bon pour la santé. Alors, dans les défilés et les manifestations, chacun sa pancarte avec son slogan de résistance préféré. Les profits d'aujourd'hui sont les dividendes de demain et l'évasion fiscale d'après-demain. La solution à la crise est très simple, il faut juste consommer plus pour relancer l'économie et consommer moins pour ne pas bousiller la planète. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, Victor Hugo. Nul n'a droit au superflu tant que chacun n'a pas le nécessaire. La mondialisation, c'est l'effondrement du pouvoir d'achat des bulletins de vote, Jürgen Habermas. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Le changement, c'est maintenant. Et maintenant, c'est quand? Envoyons valse et l'austérité. Non à la tonte des moutons populaires pour tricoter des pulls verts aux actionnaires. Vouloir comprendre, c'est déjà désobéir. Ne pense plus, dépense. La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde, Paul Valéry. Chômeur à 30 ans. Retraité à 80. Non merci. Ils ont plein d'idées derrière la dette. Mettons-leur la dette à l'envers. Soyons fous, marchons sur la dette. Sur leur drapeau une dette de mort sur le nôtre les solutions. Crions à tue-dette, non à l'austérité. La dette est illégitime, enfoncez-vous, ça dans la dette. On va leur en mettre plein la dette. Le problème c'est le banquier, pas l'immigré. Il y a du sang de pauvre dans l'argent des riches. Libérez-nous des libéraux. Liberté, inégalité, flexibilité. Liberté, inégalité, cupidité. Je suis un indigné, tendance révoltée. On ne peut pas se serrer la ceinture et baisser son pantalon en même temps. Ils ont des millions. Nous sommes des millions. Changer le pansement ou penser le changement. Les banques sans Grèce. Halt aux terreaux riches. Nous sommes les 99%. Les 99% ne tolèrent plus la cupidité et la corruption des 1%. Quand les riches volent les pauvres, c'est du business. Quand les pauvres se défendent, c'est de la violence. Anéantissons la cupidité de Wall Street avant qu'elle n'anéantisse le monde. Arrêtez la guerre, donnez à manger aux pauvres. La dictature, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours. Démocratie en travaux. Ils ne le savent pas encore, mais on va les dégager. Nous n'avons pas de maison, nous restons sur la place. Vous prenez l'argent, nous prenons la rue. Vous sauvez les banques, vous volez les pauvres. Nos rêves ne tiennent pas dans vos urnes. Jamais la voix du peuple ne sera illégale. Ici c'est le peuple qui commande et le gouvernement qui obéit. Si vous ne nous laissez pas rêver, nous ne vous laisserons pas dormir. Ceci n'est pas une crise, c'est une escroquerie. Les politiques nous pissent dessus, les médias disent qu'il pleut. Nous sommes réveillés. Quelle heure est-il? L'heure qu'il s'en aille. Ce n'est pas un indice de bonne santé que d'être bien adapté à une société malade. La rue ne se taira pas. Que les banquiers paient la crise. Oui au monde du partage, non au partage du monde. Baissons les loyers, pas notre pantalon. Résistance à la dictature économique. Nous ne sommes pas sur Facebook, nous sommes dans la rue. Oui Renault against the system. The system is against us. Yes we camp. Capitalisme. Game over. Médias partout, infos nulle part, la télécommande. L'oligarchie nous pisse dessus, les médias disent qu'il pleut. Je pense donc je gêne. Le monde se divise entre indigné et indigné. L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Nous n'avons pas élu ces traders qui nous gouvernent. Regarde bien ta Rolex, c'est l'heure de la révolte. Qu'ils partagent ou qu'ils dégagent. L'éducation coûte trop cher, essayons l'ignorance. Le marché qui oppresse les peuples ne connaît pas de frontières. Notre colère non plus. Sous les pavés la plage. Sur les pavés les sacs de couchage. Publicité partout, beauté nulle part. On ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de monde qui regarde, Coluche. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent, c'est pire. Coluche. Il y a pire que de braquer une banque, c'est d'en fonder une, Bertolt Brecht. Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne, Rosa Luxembourg. L'utopie est la vérité de demain, Victor Hugo. Quand les parents spéculent, les enfants trinquent. Le pays des droits de l'homme, Barré, du riche. La violence, c'est de gagner 600 euros par mois. Travail, famine, pâte, riz. Oui au dépistage précoce des délinquants politiques. Moins d'essence, plus de sens. Éteignez vos télés, rejoignez les piquets. Enrichir les financiers, c'est ça la pénibilité. L'insécurité, c'est le MEDEF à l'Élysée. La guerre sociale est déclarée, les jeunes on va la gagner. La guerre sociale est déclarée, avec Internet on va la gagner. Non aux 140 milliards d'exonérations sociales et fiscales. De l'argent il y en a, dans les poches du patronat. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Plumons les bêtes en cours. Travaillez tout pour gagner plus. Une seule solution, partagez le temps de travail. Pas besoin de travailler plus, exigeons de travailler tous. Dis papy, c'était quoi la retraite? Dis papa, c'était quoi un CDI? Concurrence libre et non faussée entre les jeunes et les vieux. Papy m'a pris mon travail. Papa, si tu rentrais, plutôt je trouverais peut-être du boulot. On ne fait pas des dettes sans casser des vieux. Métro, boulot, caveau. Fonds de pension, piège à con. Pôle emploi t'as de beaux vieux, tu sais. On se consume à consommer. Travail, consomme, emprunte, crève. Se révolter, c'est décider de rester vivant. Comme disait Descartes, de crédit, je dépense donc je suis. The chômeur go on. Ouvrez les yeux, éteignez la télé. Protégez vos enfants, éloignez-les de la pub. Faites l'amour, pas les magasins. Ne capitule pas devant le capital. Libérons-nous du libéralisme. Quand l'Assemblée nationale devient un théâtre bourgeois, tous les théâtres bourgeois doivent devenir des assemblées nationales. Votez Le Pen, ça sert à rien. Étrangers, venez manger Le Pen des Français. Pour la France d'en haut, des couillons or. Pour la France d'en bas, des nouilles encore. Assez de cadeaux, pour la France d'en haut. Assez de coups bas, pour la France d'en bas. Paradis pour les uns, pas un radis pour les autres. Nous refusons la privatisation des profits et la socialisation des pertes. L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes, Bertrand Russell. Retrouvez les 100 meilleurs slogans de résistance sur http://retraite-enjeu-débat.org. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.